tous et bonjour à toutes. On est samedi, il est 19h et c'est le moment de votre émission Disco Funk. Alors pour la découverte, un groupe, Young and Company. Originaire du New Jersey, il s'est formé au début des années 70 sous le nom Young Movement et change déjà une première fois en 1974 de nom pour finalement s'appeler Young and Company en 1979. Cette même année sort leur plus célèbre titre I Like What You Are Doing, qui est aussi le titre de leur album d'ailleurs. Il s'écoulera à plus de 250 000 exemplaires aux USA et atteindra un top 20 en Angleterre. La suite de leur carrière n'atteindra plus les sommets, restera, dirons-nous, confidentielle. Alors, premier titre, premier hit, allez, c'est parti! Et Mr. Funk sur Fadjet. Alors on enchaîne avec notre rubrique des 100 hits. Aujourd'hui, Sylvester et son titre « You Make Me Feel Mighty Real ». Sylvester est noir dans une Amérique raciste. Il est gay dans une famille où la religion est centrale. Il est travesti à une époque où l'homosexualité est encore un délit dans certains états. Il introduit des sonorités électroniques dans une musique qui puise sa source dans la soul orchestrale. La vie de Sylvester est un combat permanent pour exister contre le jugement de ses contemporains. Le message de « You Make Me Feel » prend chez lui des allures de profession de foi. Ce titre est tiré de son second album « Step 2 », deuxième étape en français. Sur Sylvester, son précédent album, l'année précédente, il met un pied dans le disco, la soul et le funk. Mais l'album, malgré sa voix unique, ressemble finalement à d'autres productions. Alors pour évoluer, Sylvester va se tourner vers Patrick Cowley. Alors ce dernier, il a un titre dans les cartons, « You Make Me Feel », mais il souhaite aussi le rendre un peu plus disco. Influencé par Giorgio Moroder et le titre de Donna Summer, I Feel Love, il transforme la balade originale en doublant le tempo, en y ajoutant un beat disco ainsi qu'une basse. Sylvester n'a plus qu'à y ajouter sa voix puissante et aiguë. Le résultat est époustouflant de fraîcheur et de modernité. Cet hymne est un succès phénoménal et la collaboration Sylvester-Cowley bouleverse la donne et les font devenir des icônes du disco. On écoute ça maintenant. We're Alors pour la rubrique reprise, je vous propose d'écouter Annie Chancel alias Sheila avec son titre Singing in the Rain. Love Me Baby, Singing in the Rain est le premier album studio disco de Sheila sorti en 1977. À cette époque, la chanteuse n'ayant aucun rapport avec la vague disco anglophone, son producteur Claude Carrère décide de lancer le disque Love Me Baby avec comme interprète un groupe inconnu ayant comme nom SB Devotion. On le saura plus tard, le S pour Sheila et le B Devotion pour Black Devotion, le groupe de trois danseurs qui l'accompagnent. Il est programmé sur les radios et les fans de Sheila finissent finalement par reconnaître la voix de leur idole. Cet album, il est enregistré entièrement en anglais, il bénéficie d'une distribution internationale faisant parcourir le monde entier à la chanteuse afin de le promouvoir et qui va aussi influencer son look. Pour ses reconversions disco, elle s'habille d'un mini pull rose, de mini shorts en paillettes, de bottes et de foulards noués au cou et aux genoux. Ses bottes sont roses bien sûr, elle a aussi une queue de cheval. Allez, c'est parti pour l'écoute. Alors pour le maxi, un groupe et surtout une chanson qui forcément vous parlera. Fox the Fox, ça vous parle? Non. Ah, Alors, Precious Little Diamond non plus. Le tube est paru sur le premier album du groupe In the Dark of the Night, sorti en 1984. Il est considéré comme un succès sans lendemain. Il atteindra quand même la 15e place des hits français, mais aussi la 5e place en Allemagne. Le groupe se sépare en 1990 après seulement 2 albums. Bonne dégustation! Little diamond, I leave it all to you. précieux que nos dames. La regarde très mieux. À aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Ah ben je vous avais promis un maxi, c'est un maxi. Hein. Alors c'est le moment maintenant de la pépite. On va refaire un tour du côté d'Imagination. Aujourd'hui, Looking for Midnight, extrait de l'album Scandalous, le quatrième sorti en 1983. Cela restera un succès d'estime, on peut même parler de début de déclin du groupe. À l'issue de cet album, Lee Jones, le chanteur, fait une pause. Mais nous aussi, on va faire une pause en écoutant le titre. C'était dans 1983. Et ça donnait ça. I wonder which way to go now. Don't miss the sun that points your way. On est arrivé au terme de notre émission, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Je vous dis bonne soirée, bonne semaine et à samedi prochain. Bye bye.